1 Chronique, chapitre 3. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam de Jisréel. Le second, Daniel, d'Abigaïl de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonija, fils de Haggith. Le cinquième, Shephasia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, d'Égla, sa femme. Ces six lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Shiméa, Shobab, Nathan et Salomon, 4 de Bathshua, fille d'Amiel. Jibar, Elishama, Eliphelet, Noga, Népheg, Japhia, Elishama, Eliada et Eliphelet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abija, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Akazia, son fils, Joas, son fils, Amatia, son fils, Azaria, son fils, Jotam, son fils, Akaz, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils. Fils de Josias, le premier-né, Jochanan, le second, Jojakim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Shalem. Fils de Jojakim, Jéconias, son fils, Sédécias, son fils. Fils de Jéconias, Assir, dont le fils fut Shealtiel, Malkiram, Pédaja, Shenatsar, Jekamia, Oshama et Nedabia. Fils de Pédaja, Zorobabel et Shimei. Fils de Zorobabel, Meshulam et Anania, Shelomis, leur sœur. Et Ashiba, Oel, Berekia, Azadia, Jushab Ezed, 5. Fils de Hanania, Pelatia et Esaïe. Les fils de Rephaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Shekania. Fils de Shekania, Shemaéja. Fils de Shemaéja, Atush, Jigéal, Bariar, Néaria et Shaphat, 6. Fils de Néaria, Eljoénaï, Ézéchias et Azricam, 3. Fils d'Eljoénaï, Hodavia, Eliashib, Pelaja, Akub, Jochanan, Delaja et Anani, 7.